is the hash click. This is the hash click. Check t'écoute quand je découpe Chris. Quand je t'écoute j'ai l'impression que je m'écoute fils. S.O.L. Carrie Shenzhen m'entraîne sous la pluie, j'évite les gouttes fils. Faut que c'est fake, faut que c'est bitch négro. J'arrive comme Ichigo dans Bleach négro. Regarde bien, j'écoute sans aucun stress. J'ai mon bancaï pétasse. Check Shenzhen et Kéhélofi. J'ai mon chapeau en paille pétasse. J'écoute en haut moi 13 et toi tu fais des entailles pétasse. Shenzhen et Kéhélofi. J'arrive chinois comme un Shanghai pétasse. Regarde bien. Donc c'est négro, j'arrive précis à la Dimitri. J'suis la troisième guerre négro, t'es qu'une mini-crise. Avec le squad drag du MC à la Dimitri. Shenzhen et Kélo, rasant négro, t'es qu'une mini-brise. J'te conseille vivement de suivre si t'es dans ma classe. J'vois pas de concu à part le négro dans ma glace. Plus de noir et de drogue, LDO dans la place. Shenzhen négro, j'suis là pour mettre Dakar dans la classe. Ceinture noire, j'suis passé mettre dans l'exercice. J'ai fini l'appel, j'espère que t'as fait tes exercices. Fuck la mode, j'suis dans les styles. Très très équipe dans les styles. J'vois plus, j'suis dans les hams, j'suis dans les styles. J'ai pas ton temps, j'ai élaboré le plan. J'avais la vision, négro. 27, tu veux la sec. J'fais Bélec à l'addition, négro. Self-made, on va se faire tout seul, boy. C'est pas pour les M&M's. Dégage, tout seul, boy. Qui l'a invité là? Moi, c'est ce qu'on fout, c'est là. Niveau, tu me dis là, ou tu gardes un chou, tu me dis là. Je suis dans les ans, on voit les prods, le kung fu est là. J'ai une bière, c'est plus que nous. Les poissons sous le sujet là. Qui l'a invité là? Dites-moi ce que ce foufou fait là. Niveau, tu me dis là, ou tu gardes un chou, tu me dis vous vous êtes là. Je suis dans les ans, on voit les prods, le kung fu est là. J'ai une bière, c'est plus que nous. Les poissons sous le sujet là. Équipe. MSLU, MRM System, pétage, pétage.